Je le vois. Oui, je le vois. Et assemblé pour l'adorer, oui, je le vois, oui, je le vois, car mes yeux ont vu l'agneau, le Seigneur sur son trône qui règne. Oh, Seigne sur son trône qui règne pour toujours.